L'homme et la femme s'approchaient et regardèrent le moribond, de l'oreille placide et résignée. Le gendre dit « Cette fois, c'est fini. Il n'ira pas seulement à la nuit. » La famille reprit « C'est depuis midi qu'il gargote comme ça. » Puis ils se turent. Le père avait les yeux fermés, le visage couleur de terre, si sec qu'il semblait en bois. Sa bouche entr'ouverte laissait passer son souffle, clapotant et dur, et le drap de toile grise se soulevait sur la poitrine, à chaque aspiration. Le gendre, après un long silence, prononça « Il n'y a qu'à le quitter à finir. J'y pouvons rien. » « Tout de même, c'est dérangeant pour les cossards, vu le temps qui est bon, qu'il faut repiquer demain. » Sa femme parut inquiète à cette pensée. Elle réfléchit quelques instants, puis déclara « Puisqu'il va passer, on l'enterrera pas avant samedi. T'auras ben demain pour les cossards. » Le paysan méditait. Il dit « Oui, mais demain, qu'il faudra qu'il invite pour l'immunation, que je n'ai ben pas pour 5-6 heures à aller tourville à Manetot chez tout le monde. » La femme, après avoir médité 2-3 minutes, prononça « Il n'est seulement point 3 heures que tu pourrais commencer la tournée à nuit et faire tout le côté de Tourville. Tu peux bien dire qu'il a passé, puisqu'il n'y en a quasiment pas pour la relever. » L'homme demeura quelques instants perplexe, pesant les conséquences et les avantages de l'idée. Enfin, il déclara « Tout de même, j'y vas. » Il allait sortir. Il revint et après une hésitation « Puisque t'as point d'ouvrage, loge des pommes à cuire et puis tu feras 4 douzaines de douillons pour ceux qui viendront à l'immunation. » Vu qu'il faudra se réconforter. T'allumeras le four, avec la bourrée, qui est sous le hangar, au pressoir. Elle est sec. » Il sortit de la chambre, rentra dans la cuisine, ouvrit le buffet, prit un pain de 6 livres, en coupa soigneusement une tranche, recueillit dans le creux de sa main les miettes tombées sur la tablette, et se jeta dans la bouche, pour ne rien perdre. Puis il enleva, avec la pointe de son couteau, un peu de beurre salé, au fond d'un pot de terre brune, l'étendit sur son pain, qu'il se mit à manger, lentement, comme il faisait tout. Et il retraversa la cour, apaisa le chien qui se remettait à japper, sortit sur le chemin qui longeait son fossé et s'éloigna dans la direction de Tourville.